La deuxième épître de Paul aux Corinthiens. L'on se souvient que l'apôtre Paul avait passé 18 mois dans la ville de Corinthe, qu'il y avait fondé une église, et que plus tard, alors qu'il se trouvait à Éphèse, de mauvaises nouvelles lui étaient parvenues. L'apôtre avait alors rédigé sa première épître aux Corinthiens pour les rendre attentifs à l'orgueil, aux divisions, à l'immoralité qui s'était glissée jusqu'au sein de l'Église, et surtout au désordre que les Corinthiens avaient toléré tant dans la vie de l'Église que dans la pratique des dons spirituels. Puis, cette première épître se terminait sur un magistral exposé de la résurrection et sur des conseils concernant la libéralité et d'autres domaines pratiques. L'on conçoit bien que l'apôtre était inquiet de savoir comment les Corinthiens allaient réagir à ces exhortations écrites. Au bout de quelques mois, d'autres nouvelles des chrétiens d'Achaïe parviennent à l'apôtre. Ses premiers avertissements n'ont pas été acceptés par tous. Son autorité spirituelle est contestée et même sa sincérité est mise en doute. Paul a donc toutes les raisons d'être anxieux, surtout jusqu'au retour de Tite, son messager à Corinthe, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Mais Tite rapporte de meilleures nouvelles, et son retour soulage l'apôtre, comme nous le montrent les versets 6 et 7 du chapitre 7. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Cependant, si le message de Paul dans sa première épître a touché les cœurs, et que plusieurs Corinthiens se sont repentis, de nombreuses causes d'inquiétude demeurent. Aussi l'apôtre éprouve-t-il le désir de leur adresser une nouvelle lettre. Elle fut vraisemblablement écrite en l'an 57, soit une ou deux années après la première épître. Paul remettra cette lettre à Tite, qui partira de plein gré de Macédoine, 2 Corinthiens 8, 17, pour se rendre à nouveau à Corinthe et appuyer de son témoignage les exhortations apostoliques contenues dans cette seconde épître. On y découvre à la fois la souffrance et l'espérance. Paul laisse entrevoir son affliction, chapitre 1 et 2, ses luttes, chapitre 3 et 4, ses gémissements, chapitre 5, ses détresses, chapitre 6, ses déceptions, chapitre 7, ses inquiétudes, chapitre 8, ses périls, chapitre 11. Ses douleurs physiques, chapitre 12. Mais pour lui, il n'est pas de tristesse sans consolation. Il n'est pas d'épreuve sans espérance. Il n'est pas de tribulation sans récompense. Et il n'est pas de larmes sans joie. Il n'est pas de pauvreté sans richesse, de combat sans victoire, chapitre 10, de travail d'âme sans gloire, chapitre 11, de faiblesse sans puissance, chapitre 12, 1 à 10, de réprobation sans approbation, chapitre 12, 11 à 21, et de prière sans exaucement, chapitre 13. Les Corinthiens étaient enflés de connaissances. Aussi, Paul ne leur adresse-t-il pas un nouvel enseignement théologique. Il fait bien davantage appel à leur cœur. Peu d'écrits apostoliques dévoilent autant les souffrances de ce serviteur de Dieu, à la fois exposé à des dangers de toute nature et assiégé des soucis que lui donnent les églises, chapitre 11, versets 23 à 29. Les exhortations de ces 13 chapitres ont été forgées dans le creuset d'épreuves douloureuses s'ajoutant les unes aux autres. Aussi Paul ne se défend-il pas à coups d'arguments. Il supplie avec larmes. Il consent à la mort pour communiquer la vie. Il s'identifie à ceux qu'il veut ramener, allant jusqu'à dire « Qui vient à tomber, que je ne brûle ?» Chapitre 11, verset 29. Épître pathétique, qui nous fait passer tour à tour des profondeurs de l'adversité au sommet de la gloire à venir, nous faisant pénétrer dans l'intimité d'un homme qui vit tout près de Christ. Paul ne s'est pas improvisé apôtre, il en a reçu le titre et les lettres de recommandation. Je cite ici une expression que vous trouverez au chapitre 3 de cet épître. Ces lettres de recommandation, il les a reçues au travers des coups endurés pour son Seigneur. Il aurait pu se prévaloir de révélations spéciales qui lui furent accordées, voir chapitre 12, versets 2 à 6. Il préfère laisser éclater l'épreuve de son apostolat par une patience à toute épreuve, chapitre 12, verset 12. Jamais l'homme n'est aussi grand que lorsqu'il est par terre. Jamais il n'est si puissant que lorsqu'il se glorifie de ses faiblesses, chapitre 12, verset 9. Quel exemple et quelle instruction profonde pour chacun de nous. Cependant, dans cet épître, l'apôtre ne supplie pas seulement les Corinthiens. Par l'inspiration du Saint-Esprit, il s'adresse aussi à l'homme moderne, cet homme souvent imbu de connaissances comme les Corinthiens, mais pourtant en quête de certitude quant à l'éternité. Cet homme qui est le jouet d'une société pécheresse et qui souvent en moissonne les fruits amers. La connaissance s'est accrue, mais elle n'a supprimé ni les larmes, ni la peur, ni le désespoir. Vivez-vous dans l'angoisse ou dans les craintes à cause des événements contemporains? Êtes-vous inquiet pour votre avenir? Ne sauriez-vous pas où vous accrocher? Permettez-nous de vous lire un verset du chapitre 5 de cette deuxième épître aux Corinthiens. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul mentionne-t-il la nécessité d'être réconcilié avec Dieu? Parce que l'homme s'est rendu ennemi du Dieu qu'il aime. Le péché l'a fait passer dans le camp adverse. Nous sommes, je suis, ennemis de Dieu par nature. Le péché est l'obstacle qui nous coupe, qui me coupe d'avec Dieu. Notre péché, mon péché, méritait un châtiment. La justice de Dieu avait décrété « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Par le péché, la mort a frappé tous les hommes. Mais Dieu est venu à notre rencontre. La réconciliation de la créature humaine avec son Créateur est rendue possible désormais grâce à la mort expiatoire du Fils de Dieu à la croix du Calvaire. Seul le sang d'un homme parfait, sans tache, sans péché, pouvait expier notre péché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, conçu miraculeusement par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, séparé des pécheurs et du péché, a expié nos fautes. Paul déclare, en 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus-Christ s'est offert volontairement pour endurer le châtiment que je méritais. En devenant péché pour moi, Christ a reçu tous les coups que je devais recevoir. Mon péché lui a valu la mort, et une mort horrible, cette mort de la crucifixion, dont les souffrances excédèrent tout ce qu'un homme peut supporter. Mais puisque Jésus-Christ a enduré le châtiment à ma place, il m'a libéré, par là même, de toute condamnation. C'est pourquoi l'apôtre a ajouté « Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Autrement dit, vous et moi, injustes par nature, nous pouvons devenir justes aux yeux de Dieu. Dans le même chapitre, au verset 17 et 18, l'apôtre précise « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Un homme avait de graves problèmes. Ne trouvant aucune solution, il résolut d'en parler à son pasteur. Il trouva ce dernier à son domicile, prêt à partir en voyage. Il l'accompagna donc à la gare. La conversation se prolongeait encore sur le quai de départ lorsque le contrôleur s'écria « En voiture, s'il vous plaît !» Alors notre homme, saisissant par le bras le pasteur déjà sur le marchepied du wagon, le supplia « N'avez-vous pas une parole de Dieu pour moi dans ma situation ?»« Si, répondit le pasteur, lisez dans votre Bible Ésaïe 53, 6 et réfléchissez aux deux mentions du pronom « nous ». Nous étions tous errants comme des brebis. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Christ, l'iniquité de nous tous. De retour chez lui, cet homme trouva le texte dans sa Bible. Il le lut avec soin, comprit le sens du message et saisit spontanément la grâce de Dieu. Nous sommes pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Je suis pécheur, mais Christ est devenu péché pour moi, pour me réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi le salut qui nous est proposé, que dis-je, qui vous est proposé maintenant en Jésus-Christ, ce salut est complet, parfait, définitif et éternel. Dieu désire vous réconcilier avec lui par la mort de son Fils. Décidez-vous en cet instant. Si vous avez une Bible, ouvrez-la au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens et relisez les versets 17 à 21. Que la parole divine vous apporte à vous la certitude de la vie éternelle et la paix du cœur, cette paix que peut-être vous cherchez depuis si longtemps.